بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية تمدمجين أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واكتفى، أما بعد. Que j'avais, c'était les chiffres pour les écrits féminins quand de ce qui suit est masculin et inversement. Mais dans ce cas-là, quand il y a la phrase. Entre 3 et 10. Ouais, entre 3 et 10. Donc dans ce cas-là, ce qu'on prend en compte, c'est ce qui vient après d'abord pour pouvoir déterminer le chiffre. Ouais. On ne peut pas faire d'abord le chiffre au féminin ou au masculin, après on regarde ce qu'il y a après. De toute façon, lorsque tu donnes un chiffre, maintenant tu vas dire j'ai 10. Tu vas savoir de quoi tu parles. J'ai dit cartable, j'ai dit kada, tu vois. Donc je sais, déjà, il y en a parce que le mutakallim, c'est le qasid, c'est celui qui intentionne lorsqu'il parle. Peut-être tu vas savoir de quoi tu parles. De ce que tu veux. Yani le mumayyiz, le tamyiz là, le dénombré, tu vas savoir si jamais déjà il est masculin ou féminin. Tu vois. C'est-à-dire qu'il faut regarder c'est quoi son singulier. Mais ça, tu vas dire j'ai 5 stylos. Tu vas dire handi, khamsatu aqlam. Après, ça devient un automatique. À partir du moment où tu vas savoir que la chose que tu es en train de parler, c'est quoi, c'est un singulier, tu vas faire presser directement le féminin. Mais ça peut arriver à la ralat, tu vois. Mais à main, ce qui est sûr, ou plutôt il y en a ce qui, dans la chose qui va te préserver de l'erreur, c'est lorsque tu vas écrire. À main, le fait de le prononcer, peut-être il va falloir un petit moment d'adaptation, tu vois, que ça se fasse sur la licence. Lakin, lorsque tu vas écrire, tu vas faire attention. Tu vois, khamsa, tout ce que j'écris, khamsa tout ou khamsa. Ah non, c'est qalam, donc khamsa tout, akalam il akhiri. Vas-y, les exercices. Non, mais j'ai commencé à écrire, tu vois. Non, mais ça, si jamais, ça c'est pour toi. Non, mais tu sais pourquoi, après, là j'ai plus le truc là. Mais parce que là j'avais envie de recommencer avec le temps. Là je suis trop perdu. Même si jamais t'es perdu sur tout le temps. Non. Les choses que tu. Toutes qu'il ou les choses nouvelles. C'est-à-dire, si jamais tu les fais pas, bah, tu vas rajouter à la perdition de la perdition. C'est chez toi. Là, si jamais toi tu fais pas les exercices, surtout les machins comme ça, l'exercice c'est pour que tu répètes le machin et surtout lorsque tu l'écris, tu vois. Pour que ça rentre, tu vois. Si tu le fais pas, ça va être mort. Tu vas peut-être comprendre la leçon, mais tu vas vite l'oublier. Et Nahu, c'est une des matières qui est pas la plus difficile, mais qui en est s'oublie le plus rapidement. Ça s'oublie très très vite. Parce qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de règles, beaucoup de règles, beaucoup de règles. Énormément de règles. Mais c'est une chose que tu vas peut-être mettre en application, mais lorsque tu vas demander les ta'arif, tu vois, les définitions, ou bien dans quel cas tu peux utiliser kada kada kada. Là. Pourquoi j'ai en train de faire ça? Pour réviser. C'est la matière qui me rend le plus fou. Parce que ça rentre et ça part direct. Et beaucoup de gens, tu vois, ils ont pu constater ça. Et Hatta Shermogbel, combien de fois il a fait Katnada? 6 fois. Un livre qu'ils étaient en train de faire écrire Abdurraqib, tu vois. 6 fois, il a répété le livre. Abu Bilal, il a dit, avant Ajarumia, il m'a dit, c'était comme si c'était du chinois. Il disait, c'est comme si c'était du chinois. Jusqu'à il a dit, je l'ai répété 7 fois. 7 fois je l'ai fait, ou je ne sais plus combien de fois. Et je reviens. Hatta il est devenu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que le début, si jamais on ne fait pas les efforts, après c'est hasard. Mais les débuts, tu as super. Il faut que tu mettes le paquet. Là, si y a même dans le début, le premier des livres, généralement ils disent le premier des livres, mais bon, c'est pas celui-là, tu vois. Mais on va dire, je reviens, il y a les machins comme ça, tu vois. Mais les premiers des livres, quand tu vas rentrer dans une science, quand même, c'est celui-là qu'il faut vraiment tuer dans son haqq. Parce qu'il dit, c'est quoi? C'est comme le assas, c'est comme la fondation. Une fois que c'est fondé, tu vas voir que après, qu'est-ce qui va venir? C'est quelques faïdas. Et c'est des choses qui vont se répéter. Il y a beaucoup de choses qui vont se répéter. Ce qui va se répéter, ça va se renforcer. Tu vois? Et les choses nouvelles, si jamais t'as pas une chose pour les bâtir, ça va pas. Tu pourras pas. Ça se répète. Il y aura une faïda en plus, et la faïda, ça va être comme la branche. Mais si tu n'as pas le tronc, c'est mort. C'est pour ça, là, les exercices, c'est super important. Surtout la méthodologie qu'ils ont, là, de faire des exercices. Parce qu'avant, eux, le matin, ils disaient, certains frères, c'était, mais ils demandaient, ils posaient même pas une question. Il vient, il ouvre le cours, le prochain cours, le troisième cours, ils posaient même pas de questions par rapport pour voir s'ils avaient révisé ou pas. Il dit en gros, celui qui a révisé c'est pour lui, celui qui n'a pas révisé c'est pour lui. Tu vois? Il dit chacun il sait ce qu'il doit faire. Fakul le nafsin, justement, fakul l'un bayar nafsuha, fa mu'taqaha ou mubiqaha. Soit tu l'as franchi ou soit tu l'as fourni en enfer ou un peu comme. Là, ces ulum là c'est pourquoi? Pour ouvrir des instruments, pour ouvrir la compréhension de quoi? Du kitab illah, wa sunnat rasulillah. C'est des clés qui vont ouvrir des portes et des trésors, hein? À plus tard, tu vois, et surtout le nahw. Nahw, tu vas en avoir besoin, mais énormément, même quand tu vas dans le Coran, pour comprendre. Ah. Ça, c'est pas bon. Ça, ils disent, lorsque tu rentres dans un dars, tu vois, ils disent, jamais, tu haddath nafsak bil i'ada. Tu dis, en gros, je vais recommencer. Dès que tu as commencé, tu vois, ils disent, tu dois être. Et voilà, comme le livre, en gros, tu vas y aller, et tu vois, tu vas le faire d'une manière à ce que. Khalas, après, on passe au deuxième livre, tu vois. Après, réviser, c'est une révision, tu vois. Mais hatta les tomes de Médine, tu verras que t'as pas trop besoin de réviser. Parce que si jamais tu les as bien fait, tu les as bien compris, tu révises, et surtout les exercices, tu vois, ça aide beaucoup. Si jamais tu les as fait, tu vas entrer dans le deuxième. Et c'est une série, tu vois, c'est une suite. Le premier va t'aider, parce que maintenant, le tome 2. Tome 2, si le tome 1 il est pas bien fait, et surtout, c'est quoi? Le vocabulaire. Avec le pluriel, le machin comme ça. S'il est mal fait, tu vas avoir un peu du mal, ça va patiner. Tu vois. Et tome 2, c'est là qu'il commence à mettre le coup de première, tu vois. Écrivez-le plusieurs fois et remplacez-le. Et quoi? C'est-à-dire, dans ta. Utiliser-le. Tu l'utilises, tu vois, tu le remplaces par le français. Tu le remplaces par le français ou un petit carnet et tu répètes. Et moi, j'ai rien. Et c'est bien aussi, mais aussi, Kadaleka, vous mettez entre ensemble. Se poser des questions, Moutakara, ça rentre. Tu vois. C'est rien à voir. Mais moi, là, ce que je suis en train de faire, c'est Moutakara. Le fait que je fais ça, moi, je sais pourquoi je fais ça. En France, moi, j'ai vu, lorsque je l'ai donné le tome, j'ai donné, je sais plus combien de fois, 7 fois le tome 1, je crois, voilà, en France. Mais à force de le répéter, le tome c'était comme de l'eau après. Tome 1 c'était super simple. Tu vois, après j'ai fait ça avec le tome 2. Tome 2 il est devenu super simple. Tome 3 j'ai pas eu le temps bien de le donner. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai oubliées dedans, tu vois. J'ai pas eu le temps, je l'ai donné une fois et demi, je crois, un truc comme ça, tu vois. Mais le fait que tu répètes, moi je suis gagnant. Parce que je sais que je suis en train de réviser bien comme il faut là, tu vois. C'est pour ça que là je me donne à fond. Je donne des cours à droite à gauche parce qu'il y a dans le fait de répéter une révision, tu vois. Une révision et elle c'est pas une révision comme maintenant toi tu prends le livre et tu révises toi-même. Hein? Parce que là tu donnes, tu vois. T'expliques, tu donnes, des fois tu prépares le cours. Le fait que tu prépares, ensuite tu sais ce que tu vas dire, tu le répètes. Ensuite il y a des questions, ensuite la révision le lendemain, tu vois. Tout ça se répète. Hatta ils évoquaient une fois, une personne à Ali, mais il était en train de répéter une chose. Il était en train de répéter, il voulait Yahfaz, et je te traque. Il voulait Yahfaz, tu vois. Et pour Yahfaz, il a répété. Au moins, je ne sais plus combien de fois il dit, tu vois. Elle est dans les livres qui disent comment apprendre le Coran. Il a tellement répété que la servante qui était dans le bête, elle a Yahfaz Mara. Tu vois. Elle est en train de faire son boulot, mais tellement il répétait, elle a Yahfaz Mara. Là, lui, s'est resté, elle, c'est quelques jours après, c'est parti. Mais le même jour, les deux ont Yahfaz. Lui, s'est tué dessus, elle. Être un truc, mais tellement répété, ça rentre dans la tête. Et le fait de répéter, et les exercices, ça rentre dans ces choses-là. Que tu répètes la leçon, et surtout, en plus, ça te préserve de quoi l'orthographe. Parce que tu peux parler, dire une chose, mais lorsque tu vas vouloir la retranscrire à l'écrit, peut-être qu'il y a des erreurs. Être que là, tu corriges ton parler et l'écrit. Tu vois, c'est super important. C'est pour ça, si jamais toi, tu vois maintenant, là, tu as du retard, là. Là, c'est là que maintenant profite à Ramadan, tu vois. Révise à fond. Tu vois. Et important, c'est prendre au moins les cours bien comme il faut. Parce que si tu as mal pris les cours et tu n'as pas compris, tu ne pourras pas revenir. À part si quelqu'un prête un cahier. Parce que, à moins que tu as noté la leçon, tu reviens. Tu poses des questions, tu vois. Et les exercices beaucoup. Ça, c'est pour ça même Hatta, il nous disait, certains, ils écrivaient directement les réponses là. Ils disaient, non, c'est une Hatta. Écris tout, mon frère. Comme ça, ta main va s'habituer. Elle va s'habituer pour les prises de notes et tout ça. Et Kazalika, à écrire un peu plus vite. Et toi, rattrape ton retard là. Si jamais tu sens que tu as du retard, c'est pour ça qu'on fait des contrôles. Contrôle, c'est quoi? Histoire de savoir, il est où ton axe? C'est quoi les acquis? Les acquis, tu sais que si tu mets une petite couche dessus, ça va rester. Ah, mon axe, bah, tu vois. Chammer fihi, tu vois. Retrousse les manches et tape le fer comme il faut, tu vois. Ça, c'est le nasiha, tu vois. Là, non, voilà, comme tu vois. Il faut pas flancher. T'as chez Shaytan, tu vois. Et l'aura, c'est important, grave. C'est important, grave. C'est la clé de, du din. Parce que le din est tout, kullu bil arabi. Tu pourras pas le comprendre sans ça. Abadan. Surtout de Nahmou. Abadan. Parce que Nahmou, c'est la chose qui va te permettre de comprendre qui a subi l'action, qui a fait l'action, qui a fait cela. T'es obligé, tu vois. T'es obligé. Alhamdoulilah, celui-là, il est facile, c'est. Il y a un petit pas que tu fais dedans, tu vois. Celui qui l'a pas compris, c'est, il y a l'ajour, mais il y a d'autres que toi, tu vois. Mais, le fait que, maintenant, t'avances dans un kitab, et tu vas en avoir besoin pour un deuxième, ça va te retarder. Kazalika, tu vas rentrer dans le deux, et dans le deux, tu vas avoir des lacunes. Pourquoi? C'est pas parce que t'as pas compris, mais parce que il te manque des choses qu'on a vues et qui vont t'aider à comprendre le tome 2. Et là, c'est important. Tu vois, le tome 1, il est important. C'est pas parce que c'est la plus grande. Il y a toutes les règles de grammaire dedans. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui vont te permettre d'avancer. Avancer pour pouvoir accumuler les choses qui vont après. Tu vois. Donc c'est important. Le tome 1, il est important par rapport à ça. Pour bien comprendre le tome 2 qui, wallahi, comme l'a dit le frère. Moi, j'y croyais pas. Hein. Il m'a dit, tome 2, dès que t'as fini, tu vas lire. Tu vas comprendre. Tu vas lire l'arabe. Sans harakat. Il m'a dit, sans harakat, Abshir. Il m'a dit, tu lis sans harakat. Et c'est vrai, ça? C'est, moi je dis non. Je dis, mais tu dis, c'est n'importe quoi. Ouais, tu vas comprendre, tu vas commencer à comprendre à lire et tout ça. Je dis, mais non. Mais tu verras. Je te le dis. Ça y est, dès que j'ai fini, j'ai ouvert un livre, j'ai été étonné. J'ai lu. Tu vois, malgré. Tu maîtrisais aussi ou tu maîtrisais pas? Ah non, c'est. Moi je le faisais tout seul, tu vois. C'est-à-dire que tu fais tout seul, tu prépares, tu répètes, tu fais l'exercice. Tu vois. Mais comme il a dit, dès que c'est fini. Et c'est à partir de ce tome 2 là que après j'ai commencé à savoir comment on cherche dans le dictionnaire. Bien comme il faut, dictionnaire arabe je te parle. T'as? C'est là que j'ai commencé un peu à faire du surf tout seul. Parce qu'il faut que tu connaisses le dictionnaire arabe, il faut que tu connaisses la racine. C'est pas comme dans le dictionnaire Abdel Nour, je sais plus quoi, tu vois. Et dans le mot Masalanani, Yadrib, tu vas dans Ya. Là, faut que tu aies dans Daraba, tu prends la racine. Et ça va t'ouvrir une porte à une autre chose. Parce que tu vas te connaître Aouzan, Darib. Et tu vas voir que dire c'est celui qui frappe. Ouais. Ensuite, toi, tu vas faire que des qiyas après. Ouais. Tu vois, tu vas dire, ah ouais, donc ça, c'est quand c'est fa'il, c'est-à-dire c'est celui qui fait. Et tu l'as vu de toute façon dans le tome 1. Dans le tome 2, dans le tome 2, t'as ces choses-là. Et ça va te permettre de comprendre. À partir de ce moment-là, je me rappelle, c'est quand on est venu du hajj et tout ça, moi j'avais déjà fait le tome 2. C'est là que j'ai commencé à prendre les cassettes. Je suis parti, je m'asseyais avec les ulama, tu commençais à comprendre. Moi, j'ai une question. Inch'Allah, peut-être prendre le tome 2. Comment tu penses que mieux on s'organise par rapport à avec tous les trucs qu'on a par jour, chaque jour, journalier, entre l'arabe, Coran, et si Hachem Neziyada, Ma'adolos. Comme il a dit, Cheikh, la parole est un chouïa un peu dur. Dans le sens où il a dit, les sciences comme l'arabe et tout ça, katakata, ça durcit le cœur, tu vois. Durcir le cœur, en gros, il voulait dire par là, c'est bien, tu prends un truc comme ça et un petit truc dans l'aqida, tu vois. Ça, c'est jayid, tu vois. Lakin, moi, ce que je vois, ansahakum le truc, awalan wa akhiran, et moi, j'ai vu, hein. Ceux qui avaient du lacune dans l'aïd, ceux qui ne donnaient pas de l'importance au Coran. Moi, ça, c'est un truc, c'est mujarrab, demande à qui tu veux. Dans la hev ou bien dans la malaga. Tu peux, dans la lecture, tu vas voir il a un tab. Dans le sidlal, il va voir un tab. Dans le kadakada, il a un tab. Tu vas voir la plupart. Celui qui a pris bien le Coran, Wasitiya, il a pris la moitié. Il a pris la moitié de Wasitiya. Pas dans l'ordre. Lakin, lorsqu'il va l'apprendre, il va juste, c'est une histoire de mettre dans l'ordre. Kitab Tawhid, Kazalika, il a pris, mashallah, peut-être un cinquième de Kitab Tawhid. Et tu verras que c'est les personnes dans l'arabe qui, ils arrivent mieux à parler. Leur langue, elle se délie le plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il lit. Avec la lecture du Coran, kathir. Moi, je me rappelle, parce que je savais, ya'malun, ya'lam, tu vois. Je savais les utiliser. Parce que tu le répètes à chaque fois. Une chose que tu répètes. Eh ben, le Coran, ça, c'est la chose, c'est ma'ruf. Fil bidaya, tu vois. Après, lorsque tu l'as appris, kada, tu vois. En Ramadan, c'est pour ça que c'est bien, tu reviens, tu remets une couche et tu repars, tu vois. Tu repars dedans. Généralement, le Coran, tu ne l'oublies pas, tu vois. Lakin, tu n'arrives plus à la, enchaîner les versets derrière. Tu vois. Ah, mal oublié, tu ne peux pas. Il y a une Inch'Allah, si tu l'as bien appris, c'est une question d'avoir bien appris. Si jamais tu l'as bien appris, bien comme il faut, propre, tu verras que lorsque tu vas réviser, mais en deux secondes, c'est vite fait. Il va te falloir deux, trois semaines pour bien réviser entièrement. Après, ça repart, tu vois. Après, des fois, tu es mashroul avec les kada-kada. Et le Ramadan, c'est pour ça qu'il vient, il est bien. Mais le Coran, c'est le primordial. Ça, c'est le truc avec, il faut commencer dessus par rapport à ça, tu vois. À Moussamir, tu vois, quelqu'un qui t'écoute. Ou bien t'écoutes avec une cassette, tu vois. Lorsque tu vas apprendre, tu vois, t'apprends pas directement parce que tu peux faire des erreurs dans le niveau du hiv. Et c'est des erreurs après qui vont se coller dans ta tête. Et ils vont avoir du mal à repartir, tu vois. Donc, le Coran, ça, c'est un truc, en sahoukoum, et ça, c'est ma'rouf. C'est l'ayyi wahid. T'as même? Et, à la hasab. Wallah, à la hasab. Amma le matin, c'est le, c'est connu, c'est hatta, c'est ma'rouf. Adamma, j'ai tu voyais, la plupart, c'était, ils faisaient l'adhkar, et ensuite le Coran. Directement le Coran. T'apprends ce que tu peux. Chacun, il est, parce que maintenant, des fois, Yannick, tu vas voir, surtout Adam, tu vas voir, Anna, c'est, ils apprennent peut-être des 4 pages par jour. Il va apprendre, il y en a peut-être 6 pages. Il y en a, c'est-à-dire que t'es dans une ambiance, tu vas te dire, mais, moi, je suis trop nul. Tu vois? Mais c'est pour ça que là, c'est là que Shaitan était. Et toi, tu prends le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم, انظر الى من تحتكم. ولا تنظر الى من فوقكم واجدروا ان لا تحقروا نعمة الله عليكم. Regardez ceux qui sont en dessous de vous. Voilà, pense aux kuffars, pense à ceux qui sont en France, qui sont privés de l'Ijahil, mais là, tu vas voir que tu es dans un bienfait, tu vois. Et ça, c'est quand la personne a sent que, lorsqu'elle voit des gens qui sont un peu plus forts que lui, plus avancés dans l'ilm, tu vois, il va dire, ah non, mais moi, c'est bizarre, l'ilm, peut-être c'est pas pour moi, ou kada kada. Là, Yann et toi, il faut pas t'oublier ça par rapport au fait que, regarde les gens qui sont inférieurs à toi, je veux dire, en dessous, tu vois, pour pas que tu méprises le bienfait d'Allah Azzawajal sur toi, tu vois. Et c'est le début, tu vois. Avant qu'ils étaient en train de taper des 6 pages, ils étaient comme toi, tu vois. Il y en a des fois, il venait à Damas, il dit, ouais, mais lui, il a pris, mais il a pris en un jour, Riyad Salahin. Ça fait le mec, le frère, ça fait 5 ans qu'il est là. Il veut en un jour être comme lui en 5 ans. Ah non. Faut prendre, tu vois. Petit par petit, tu vois. Fais comme il a fait, tu vois. Et regarde pas Fulan ou Kada Kada. Apprends, et ne, même Hatta. Limite-toi, un truc, c'est bien de se limiter des choses, histoire que tu sois pas en retard dans ton programme, tu vois. Mais avance de jour en jour. Un verset. Même si tu fais un verset par jour. Wallah. Un verset par jour, tu t'es mustamar fihi, t'es assidu. Allah déjà va te mettre la baraka, parce qu'Allah il aime bien les œuvres qui sont continues. Tu vois, les œuvres qui sont continues, il aime bien ça, Allah Azza wa Jalla. Même si c'est un verset, c'est une ligne, c'est une phrase ou kada kada, ahamunche t'es mustamar fihi, al-istimrar. Le Coran, lire sur quelqu'un, trouver quelqu'un, même si jamais tu peux y aller, tu révises, tu essaies de réviser ton Coran, ce que tu as appris, au moins dans la semaine. Même ça, dire que ça a le Coran, comme l'a dit l'imam Ahmed, قال من حفظ القرآن ورجعه في سبعة أيام لا ينسى. كذلك celui qui, مثلا, il a appris juz amma dans la semaine. Appel chez. Dans la semaine, révise-le. Si tu as juz amma, tu vois. Dans la semaine, révise-le. Si tu as un peu plus, juz tabarak, eh ben, révise-le dans la semaine, tu vois. Ah, c'est ça, mais le problème, il est là. C'est comment savoir par rapport à quand tu arrives, ce que tu as divisé entre apprendre, réviser. Il faut se donner un temps pour chaque chose. Faut se donner un temps pour chaque chose. Amal qira'a, mesela, moi, j'ai jamais, c'est rare, je crois juste, al-kaf. Quand je prenais le Coran, c'était soit pour raja' ou soit pour apprendre. Amal prendre, j'ai pris le Coran comme ça. Pour le lire comme ça, ça je l'ai fait que quand, lorsque je l'ai appris entier. Parce que tu l'apprends entier, donc tu lis du début jusqu'à la fin. Mais amal prendre le Coran, j'ai jamais pris le Coran, mesela, le lire jusqu'à le finir à la fin. Lire comme ça, j'ai jamais fait. Quand je le prenais, c'est pour apprendre. Ou quand je le prenais, c'est pour réviser. Un des deux. Ça rien même, ça compte une lecture de Coran. C'est une lecture. La chèque. La chèque, c'est une lecture. Ce que tu es en train de lire, tu auras de Hajj, Kadaleka, tu vois. Et le truc, c'est quoi? Donc, divise-toi, si jamais. C'est bien de lire, aussi. Voilà. Parce que lire, moi, j'ai appris soit Kaf, Furqan, Kaf, Furqan, et je sais plus quoi, sans l'avoir appris. Jamais je me suis assis devant le Kaf et je l'ai appris. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais prendre Kaf. Pourquoi? Parce que je disais tous les vendredis Kaf en France, jusqu'à un jour, je ne me suis même pas rendu compte que j'avais appris. Wallah. Furqan, je l'écoutais parce qu'il y avait un récitateur et j'aimais bien sa récitation. Au travail, j'étais livreur, je la mettais tout le temps. Dès que je partais le matin, je mettais Furqan. Avenez. Jusqu'à un jour, je l'ai récité sans savoir que je me suis. Il y avait quelques versets à rectifier, mais jamais j'ai pris Furqan. Je me suis dit, bon, je vais me poser, je vais lire Furqan. Abedan. Donc, il y a une baraka dans le fait de lire. Ça, c'est clair et net. Le fait que tu lises, et je connais un frère pareil comme ça en France. Tu crois qu'il apprend le Coran, il s'est assis, kada kada. Wallah, il prend presque la moitié parce que c'est un frère. Il lit le Coran, je ne sais plus combien de fois dans la semaine. Entier. Il lit entier, tu vois, il le lit, le lit. Il lit entier dans la semaine en France. Ouais. Non, mais lui, c'est quelqu'un, Allah en verra, qui manque plus qu'il vienne, c'est tout. Voilà, franchement, ça va s'approcher comme ça. Ouais, en plus, c'est quelqu'un qui est, tu vois. Mais, Qaddarallah, ma jibal. Ah, sinon, c'est les, sa femme et tout ça, les enfants. Le problème, c'est ça. Il n'a pas les sous pour venir. Il n'arrive pas à économiser. Trop d'enfants. Et donc, il faut se donner un temps. Il faut s'organiser. Déjà, un programme. Si jamais tu n'as pas de programme, tu vas d'ailleurs. C'est mort. Parce que à l'heure que normalement tu veux faire ton truc, tu vas faire un autre truc. Donc tu ne vas pas donner son droit. Faire un tableau. Un planning. De telle heure, j'ai ça à faire. Foulen, il m'appelle. Chut, ma fiche. J'ai mon truc à faire là, à cette heure-ci. À part s'il y a vraiment un. Daroura, les trucs comme ça, sinon, de telle heure, j'ai ça à faire. Tu vois ? Donne-toi, مثلا, je sais pas, du matin, après les adhkar, jusqu'au shorok, tu dis, bon, c'est mon heure pour apprendre ce que je dois apprendre du Coran. Tu vois ? Et donne-toi ce que tu peux apprendre. T'as 5 lignes, la moitié d'une page, moins et tout, et ça va venir. Hein. Le hif, c'est comme le cerveau, c'est comme un muscle. Il faut il forme. Et après, tu verras, une page. Après, moi, je me rappelle une fois, on a pris jusqu'à 4 pages avec un frère en France. Mais c'était, on apprend, on a dit c'est nul parce que on les a pris, mais c'était les pages qui repartaient le plus vite. Tu vois ? Si jamais, maintenant, nous, on était habitués à prendre une page. Tu vois, on faisait une page par jour, une demi-page, tu vois ? Bien. Tu prends ce que tu peux et ce que tu sais, lorsque tu l'apprends, ça part pas. Tu le répètes beaucoup de fois. Tu vois ? Et tu essaies de voir quelqu'un, si jamais tu peux, réciter sur quelqu'un. Tu restes sur quelqu'un ce que tu apprends, tu vois. Et généralement, le début, c'est pas. T'apprends, alhamdoulilah, tu vas pas prendre une page, c'est vite fait, hein. Surtout à Demel, alhamdoulilah, il y avait beaucoup de frères. C'est-à-dire, le frère, il vient, il pose le mousraf à côté de lui, même s'il dit non, il y a un deuxième. Et un troisième, on est, je sais plus combien, 5000 dedans. Donc, il va trouver au moins 10 frères. Qui va lui réciter le, hein. Tu récites beaucoup de fois. Déjà, mettez-vous en planning, au moins ce shorok, t'apprends le Coran. Dès que le shorok, il est fini, récite sur quelqu'un ce que t'as appris. Cette chose-là, après, dans la journée, donne-toi un temps pour le répéter. Ce qu'on conseille, c'est marcher dans la rue, tu marches, tu es tout seul, répète-le, écoute-le si tu peux, parce que l'écouter, ça reste, surtout avec une bonne récitation. Et ensuite, tu donnes un temps, dans la journée, tu te donnes une heure pour réviser ce que tu as déjà appris. Tu le répètes, soit en le regardant, ou soit en lisant, en regardant un petit peu de temps en temps, cadavre. Et le mieux même, c'est de trouver une personne et vous lisez un petit peu. Chacun lit une page, chacun lit deux pages, trois pages. À la hasad. À la hasad. Plus tard, plus tu vas devoir lire sur le frère. Moins tard, et plus maintenant tu vas lui lire, on va dire, peut-être une page. La personne maintenant qui a 12 ammas. Si tu dois réviser 12 ammas avec le frère dans la journée, dans la semaine, ça. 12 ammas, il y a combien, on va dire, ça fait 20 pages. 12 ammas, non, ça fait 20 pages. 20 pages divisées, on va dire, ça fait 3 pages par jour. 21. 7 divisé, 21 divisé par 7, 21, ça fait 3. 21 divisé par 7, ça fait 3. 3 pages. Tu lis 3 pages, à la fin de la semaine, le Zahama, il est révisé. Tu vois. Ça, c'est important au Coran, ça, amsahakum fihi, et tafrat fihi, il va se voir dans l'ilm. Et l'arabe, parce que nous, c'est ça, le retard qu'on a. Par rapport aux Arabes, pourquoi ils avancent vite? Parce qu'ils viennent directement avec l'Arabe. Ils ont plus qu'après à se corriger au niveau du quoi? Du parler. Mettre une fête halal, la kesarana. Nous, on a apprendre le vocabulaire. Comprendre la kawa'id. Mais comprendre yani en arabe, c'est un peu plus dur. Mais, alhamdulillah, les efforts qu'on fait, on sera récompensé auprès d'Allah, azza wa jalla. C'est-à-dire le tab qu'on a, nous, lui, même s'il a une facilité à aller plus vite, nous, peut-être, on aura, comme celui qui récite le Coran, yani, et qui se fatigue, il aura deux fois la récompense. Tamam? Il aura deux fois la récompense. Pourquoi? La récompense d'avoir lu, la récompense de s'être fatigué, avoir lu. C'est-à-dire qu'il faut, qu'est-ce que je disais par rapport à ça, là, avant qu'il me perturbe, là? Ou à l'arabe. Parce qu'on en a besoin, et hatta, c'est la clé de l'ulum. Le Coran est en arabe. Le hadith est en arabe. Les aqwal de salaf est en arabe. Et l'arabe, comme ils disent, il y a le fait que toi, tu vas pouvoir même hatta lire dans les livres d'arabe, tu vois, et dans les aqwal de salaf, ça va, comme dit Cheikh al-Islam, tu vas voir, tu vas t'identifier à ces personnes-là. Parce que tu vas lire ce qu'est leur vie, tu vas lire, katakata, et fais-le, c'est marre de toi. Hein. Si jamais tu lis que des trucs de faussaire, et ça va déteindre un peu sur toi. Ah, tu vas faire le, tu vois, c'est marre de toi, ça déteint sur toi. Ça déteint sur toi. Si c'est possible, qu'à l'aïka, un petit darj dans l'aqida. Si jamais t'as pas la personne, écoute-moi au moins une cassette. Là, par exemple, on prend le cours que vous avez mis sur le net. T'écoutes, un petit cours dans l'aqida. Ou si jamais t'arrives, et moi je vous conseille, tu vois. Parce que là, on est en train de faire un ta'awun avec les frères de France, tu vois. Mais plus tu vas te. Être moins indépendant de la langue française, c'est mieux, c'est ça, tu vois. Le but, c'est ça, tu vois. Nous, c'est plus une bête ta'awun, ceux qui sont en France, qui n'ont pas de doros, etc., tu vois. Au moins que son cœur, il. Tu es avec les ilm. Parce que si jamais t'es pas avec les ilm, t'es mort. Moi, ça m'était beaucoup utile, hein. Parce que quand je me rappelle, j'étais en France, moi, je travaillais, j'écoutais, ça restait un petit. Tu vois. Bien sûr. Ça tient. Parce que sinon. Parce qu'en français, c'est mort, non? J'en ai 3-4 pour l'enchaîner. T'es dans le supermarché, t'es forcé, ils te forcent à écouter de la musique. Tu vois? Ça passe dans la rue, ça met de la musique. Tu vois? À la maison, si ton frère va parler stirama, il va te remettre des choses à l'ancienne, tu vois? C'est-à-dire que c'est fatigant. Tu sors dehors, les frères, des fois, c'est un peu qilqal, tu vois? Parce que si tu fais pas un effort toi-même, ça dure, tu vois? C'est-à-dire, nous, c'est même pas ta'awun. Ah, mais si jamais, le truc qu'on vous conseille, c'est d'écouter un peu des cassettes en arabe. T'écoutes en arabe, et surtout le tome 2. Après le tome 2. Je te passe la puce. Il y en a plein. Doros en arabe. Le tout, va aller voir, Mounir. Le mieux. Pose-toi un soir. Je veux juste quelques cours. J'écoute beaucoup ces histoires de rester. Par exemple, chez Ali Hassan et Al-Khutaybi. Ana, on s'en raconte maintenant, Bil Bidaya, mais la Meshach, t'écoutes Cheikh Al-Fawzan. Parce que moi, Cheikh Al-Khutaybi, je comprends. Cheikh Al-Fawzan, il est à la thabat, jiddan fi din, et il parle d'un arabe super clair et super simple. Tu l'as, t'en as découvert ? Cheikh Al-Fawzan, je suis bien. Tu vois, super simple. C'est un peu plus dur, mais Cheikh Al-Fawzan, tu prends maintenant dans l'aqida, tu prends dans le tawhid, c'est super simple. Super simple. Les mots, ils sont vraiment simples. Et il parle, il est clair, il parle doucement. Alhamdoulilah, les audios, en plus, ils sont de bonne qualité, tu vois. Moi, je vous conseille d'écouter. D'écouter Cheikh Al-Fawzan dès le début, masha'Allah. Allahu barak, ça aide beaucoup. Cheikh Al-Albani, Kadalik, Laki, des fois, c'est par, il parle en derrière. Donc ça peut. Mais Cheikh Al-Albani. Hein? Syrienne. C'est quoi? Syrienne. C'est un Albani. C'est un Syrien, frère. C'est comme si c'était un Syrien, Cheikh Al-Albani. Mais il a vécu toute sa vie là-bas, frère. Il a fait les prix d'école primaire, il a. Tu vois? C'est comme les petits maintenant là, que tu les ramènes ici là. Il m'avait dit qu'il avait appris l'arabe tout seul. Non, il avait des. Il était à l'école. Il était à l'école, là. Il a aidé mes chers. Pas connu. Il a aidé mes chers qui ne sont pas connus, mais c'était des. Il avait du rien, jiddan, c'est pas un peu. Dans le madhab al-Hanafi. Il avait des oncles, il avait des mes chers. Dans le hadith et kada. C'était pas des al-Thabat ou dans la sunna kada. C'était des ulama. Des ulama, je veux dire des alim, ils avaient du rien. Ils avaient du rien. Je voulais dire une cadavre, il est rapide. Il est un peu rapide. Pour le début, peut-être que c'est un peu rapide. Hein. Et si jamais tu peux pas, si jamais tu peux, c'est mieux un dars. Un petit dars dans l'aqida. Un petit dars dans le tawhid, un des deux, tu vois. Histoire que, comme il a dit, parce que ça. Mais il a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a. Ça peut être lourd à la fin. Moi, un frère, au début, il m'a dit, fais des cours d'arabe. Je lui dis, il fait des cours de tawhid. Je dis, non. Je dis, là, c'est l'arabe et le Coran. Tu vois. Il m'a dit, un autre, il est venu, tu vois. Il m'a dit, non, je te conseille. Par rapport à, tu es venu avec Hikma, il m'a dit, je te conseille parce que ton qalb, il a besoin, tu vois. Il a besoin qu'il vit, katakata. Il dit, tawhid, c'est le hayat, le qulub, tu vois. Je dis, ouais, sahih. Et, alhamdoulilah, c'était un nusr, jayid. C'était un bon conseil. C'est-à-dire, si jamais tu peux t'en tenir à ça, là, ces trois choses-là, Coran, et le départ, c'est très, t'as le temps. Coran, l'arabe et un peu d'aqida. Si tu peux pas, écoute au moins des cassettes dans l'aqida. Et écoutez, moi je vous conseille surtout. Écoutez beaucoup. Écoutez la cassette. Aujourd'hui, je fais quoi avec Tibril. Et le truc, là, tu casses le drus. Fais pas beaucoup de drus. Trois bas. Trois et bas. Quand je t'ai dit 3, je te parle dans le sens où. Non, encore, t'as vu, maintenant, ces doros là, ça c'est ce qu'on appelle les doros am. Moi je te parle, là ce qu'on parle, c'est doros khas. Amma les doros am, c'est ça, parce que tu t'assois et t'écoutes. Juste écoute, tu prends ta défawaïd au père des quatre sunnats, c'est pas plus il y en était dans le livre où tu vas le réviser, tu vas à kata, tu vois. C'est plus une assise, il y en a, et ça, je me suis conseillé de vous asseoir en sorte là, tu vois. Un, parce qu'il y a une baraka. Deux, il y en a là, je crois, j'allais sur eux, tu vois. Quoi qu'il en soit. Et en plus, tu vas staffer. Tu vois. Si t'as pas staffer dans le livre, tu vas staffer dans le choloq. Si t'as pas staffer dans le kata, tu vas staffer dans cela, tu vois. Un frère va prendre une petite faïda, cette petite faïda là, peut-être, elle va changer un comportement que t'avais pas. Tu vois. Ça, c'est important. Ça, c'est muhim jiddan. Tu vois, c'est muhim jiddan, jiddan. Parce qu'on en a besoin, adab dans l'ilm. On en a trop besoin. Tu vois. Non, on en a besoin. Et surtout ça, kadalika, tu vois. Yani, c'est pas le juste, tu fais le poteau dans l'assise, tu vois. Essaie de savoir qu'est-ce qui a été dit. Même si jamais c'est pas en français, c'est pas, je veux dire, t'as pas compris en arabe, le frère te le traduit vite en français, tu vois. Il te fait un résumé, au moins. T'es sorti, tu sais de quoi ça a parlé, tu vois. Peut-être qu'il y a une faïda, tu vois. Je connaissais des frères, ils faisaient ça, entre américains. Dès qu'il s'asseyait après le tafsir, le frère, il avait l'arabe, tu vois. C'était un américain, mais qui avait l'arabe, il leur expliquait. Celui qui n'avait pas compris, au moins, alhamdoulilah, il ressortait avec la compréhension globale du tafsir, tu vois. Donc ça, c'est important, tu vois. Et, kadhalika, le kutub. Tu vois. Ce qui peut, wallah, acheter les kutub. Les kutub des cours, que ce soit avec Cheikh Yahya, que ce soit les Meshayah, si tu peux, assiste au cours avec le kitab. Tu vois. Wallah, anzahakum. Hada, c'est un truc muhimjid, ça t'aide à suivre, et ça va t'aider dans la compréhension. Parce que ton oreille là, tu vas parfaire ton oreille. C'est-à-dire qu'il va parler et peut-être les choses que toi, à l'oral que tu comprenais pas, là t'as le livre devant toi. Ouais. Tu vois? Surtout des personnes, il y en a qui prononcent mal. Tu vois? Mais t'as un Cheikh Abu Amr, des fois, si j'ai pas le kitab devant moi, je sais plus, le harf, je sais pas ce qu'il a dit comme harf. Et il est vite, tu vois? C'est-à-dire que toi là, ces gens-là, là, le fait que tu prêtes ton oreille à cela, mais après t'écoutes qui tu veux. Hein? Ben, moi, avec Shir, au début, c'était quoi, mon Shir? Avec Shir, Yahya. Je me mets devant lui, devant. Je comprenais pas, ça m'a fait quoi? Je suis parti un peu en arrière, je prenais mes livres de cours, je révisais Wasatiyah, je révisais Kitab Tawhid, je révisais Kada. Tu vois, j'étais à l'assise, mais je révisais mes trucs. Après, je dis, non, c'est pas un adab, tu vois. Minallah Azawajal. Je dis, c'est pas un adab, Shir est en train de parler et tout. Et moi, je suis en train de lire un autre livre. Je dis, vas-y, je veux m'intéresser au livre. Je dis, mais je comprenais pas ce qu'il disait, tu vois, j'arrivais pas à comprendre. 10% et encore. Je dis, vas-y, je vais prendre au moins les livres, je vais essayer de suivre. Ben, c'est là que j'ai tout compris. Parce que dès qu'il parlait, c'était juste Yanni la prononciation. Après, je voyais comment on disait le Aïn, je voyais comment on disait quelle lettre. Je dis, je vais pas aller juste ça. Et là, j'ai vu une faïda. Et alhamdoulilah, tu vois. J'ai vu, moi, au début, parce que j'étais un peu, quand, tu vois, parce que j'étais dans l'époque, dans la période de 100 riyals par jour, tu vois. C'est-à-dire, j'ai acheté des koutoubes de Durus Khas. Moi, je comprenais pas, celui qui venait, il a acheté une mektaba, là, dès le début. Un frère comme ça, il a fait Mahdi, là, ou Abou Abdurrahman, je sais plus comment ça s'appelle, là. Le frère de Romainville, ou je sais plus, un derrière en France. Il arrivait 1000 euros. Mektaba. On disait tous comme ça, il dit, c'est un ouf. Il dit, il va plus avoir de sous, après, il va se casser, il va aller en France. On l'a acheté petit à petit, il y a plein de livres qu'il va pas avoir besoin. Il y a une mektaba en haut. Tu vois, on disait ça. Prends les livres que t'as besoin. Et, tu vois, on sait que nous, là, au début, c'était un peu chaud. On sait que s'il y a plus de zalat, généralement, ça met les valises, tu vois. C'est ça, le truc, tu vois. Le frère va dire, oui, mais ma mère, Gilly, il trace combien? Il va dire, ouais, il reste peu. Tu vois. C'était Keter Hakada, tu vois. C'est-à-dire, dès qu'il y avait plus de zalat, les frères s'envoyaient, tu connais, Nabil, vous connaissez Nabil d'Argenteuil? Vous avez pas entendu, un derrière d'Argenteuil? Il a dit, oh, j'ai mal au ventre, j'ai trop de maladies au ventre, gada. Il faut que je me fasse soigner et tout, etc. Il faut que j'aille jusqu'à Sanra. Je dis, mais l'hôpital de Mustafa Salam, il est mouchoud. Je dis, pourquoi tu vas pas à Sarda? Ouais, mais t'as vu, Sanra, c'est mieux. En plus, j'ai envie de me reposer un petit peu, prendre, manger. Je dis, ah, tu veux manger? Tu veux un raha, shoya? Je dis, shoya, habba, habba. Mais je sais pas. Après, je dis, non, parce qu'il y en a trop comme disait Abdelhaï ou Abdelhaq? Abdelhaï, le da'i, en France. Ouais. Abdelhaï, Abu Koko. Ouais. Il disait, il y en a quand ils sortent demain, je crois que c'est une défaite. Il dit, il s'invente des maladies, mon père a le cancer, mon père est malade, mon père ceci, cela. Ben, arrête de mentir. Tu dis, je peux mentir, je suis. Non, en gros, ils ont honte. Ils ont honte. Moi, je me rappelle. Parce qu'à un moment, comme tu as dit, la chouette, je pense. Dès que tu sors demain, quand tu mets sur la liste, ou tu vas armer un croc, t'es un œuf qui vient. Non, même pas encore, parce que c'était à cette époque-là, c'était la fête, elle était là, mais. On était frères, tu vois. C'est-à-dire que. Le minhaj salafi, le hajr, l'illah azawajal, c'était pas encore rentré dans les cœurs bien comme il faut, tu vois. C'est-à-dire que même la fitna, c'était ça. En gros, on se prenait pas trop la tête, tu vois. Mais après, dès que ça, quand on a commencé à comprendre un peu la fitna, c'est ça. Bon, il y avait, ça a pris notre ampleur. Mais sinon, au début, c'était un groupe, tu vois. C'était un vrai groupe, on était plein, tu vois. C'était un groupe de sages. Yani, tu vois, c'est, ouais, acheter les livres, tu vois, par rapport à ça, tu vois. Ça t'aide à réviser bien, pas réviser, mais suivre le cours. T'es intéressé. Et même, il y a des choses que toi, peut-être que lorsque t'as pas de livre, tu seras peut-être en l'air. Et dès que tu auras le livre, tu vas comprendre. Et tu vas être intéressé, tu vois. Est-ce que t'as pas compris? Tu peux lui dire, Mathalène, j'ai pas compris Kaba. Au lieu de dire, tu peux me dire le cours de manière globale. Tu vas dire, ouais, j'ai pas compris juste ça. Tu vois. Tu vas faciliter aux frères et à toi aussi, tu vas gagner du temps, tu vois. Et c'est important, quand même. C'est important, quand même. Et généralement, les livres qu'ils font, c'est des livres, il y en a que tu auras besoin, toi. C'est pas une khasara, tu vois. C'est pas une perte à bête, tu vois. Parce que c'est des livres que tu vas avoir besoin, toi, plus tard. Acheter Sahih al-Muslim, c'est un truc, c'est la boute dans la maktaba du talib. Acheter Sahih al-Bukhari, c'est la boute dans la maktaba du talib. Acheter des livres comme il fait, mathalan, Usul al-Sunnah, l'imam Ahmed, ça, c'est des livres, la boute devant ta maktaba. Riyad Salih al-Bulugh al-Maram, c'est des livres que, la boute. Tu vois? Hein? Mais quand t'es dans le début, toi, Inu, donne, si jamais t'as les sous, c'est bien. Celui qui a les sous, il achète des livres. Masha'Allah, Allah Mubarak, tu vois. Ça, c'est bien. Parce que plus tard, Inch'Allah, ça va te servir. Tu vois. Et, mais acheter les livres de, acheter les livres que t'en, que t'étudies. La goutte. Pardon, la goutte. Fais trois doros. Quand je parle de trois doros, rentre dedans le Coran. Tu vois. Le Coran, nous, on disait comme ça, c'est trois doros. Le Coran, si jamais tu vois que vraiment, maintenant, dans la mémorisation, t'as un plus, tu peux faire plus. Tu vois. Reste dans le Coran, là, qui te donne dans le hadith, maintenant. Que des fois, des personnes, ils se lassent un peu dans le Coran, comme ça. Que le Coran, prends un petit hadith, maintenant, si jamais tu commences comme ça, prends un hadith musulman, commence à l'apprendre, hein, un petit peu. Ah ouais, c'est important, ça. Parce que c'est des ilms, c'est des. Surtout cela. Parce que ça, si tu l'apprends, tu verras, tu vas pas l'oublier. C'est quoi ça? Ouais. Parce que tu le mets en application, frère. C'est des hadiths. Des hadiths, c'est que des hadiths. C'est que des hadiths dedans. Tu vois? Et franchement, ça, c'est super important. Parce que t'en as besoin, frère. Wallah. Et en plus, les trucs, tu vas mettre en application. Cheikh, il dit, regarde la personne lorsqu'elle a. Cheikh Abdurraqib. Il dit, la personne, tu vas le trouver dans le hiz où il est plus fort, c'est, demande dans les askar, puisqu'il répète. Tous les matins, il les répète. Après, les askar, ayatul kursi, tu l'as appris? Tu l'as déjà appris? Ayatul kursi? Ouais, comment tu l'as appris? Tu t'es posé un jour et tu te dis, je vais l'apprendre. Moi, j'avais husn al-muslim, là, avec la citadelle des musulmans. Voilà, je disais. Tous les jours, je la lisais. C'est ça. Elle est rentrée. J'ai jamais appris l'ayatul kursi. Toi, tu l'as déjà appris? Je l'avais appris en français, et puis je suis comme disant, je la disais en français au début. Et je la lisais à fond, elle est rentrée même en français, tu vois. Non, le fait que tu répètes, c'est une baraka. Je la lisais en français, moi, au début. Aujourd'hui, c'était Nasirah. Ouais, je connaissais un frère, il la prenait, je ne sais plus combien, 12 ans en français, j'ai dit, t'es fou. Je dis, ça a rien ce que t'es en train de faire. En français. Mais ça a rien du tout, mon frère. Comment tu fais avec Naziahat et Na. Des arracheuses, les anges qui les arrachent violemment. J'ai peur que la zandaq alak, tu vois. À la fin, c'est dangereux. C'est chaud. Le français comme ça, là, c'est dangereux. C'est chaud. Tu veux même plus faire la différence entre peut-être la Torah et le Coran, la quoi? La Torah. Un frère m'avait ramené une, selon Bernabé. Tu vois? Selon Bernabé. Mais tu lis. Alhamdoulilah, moi j'ai appris le Coran, mais tu lis, c'est. Mashallah. C'est comme la traduction en français. C'est pour ça même, Mathalan, tu vas voir Mathalan des Arabes qui sont chrétiens, ils sont très dangereux, frère. Parce que dès qu'il va te parler, il va pas dire Dieu a dit, il va dire Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala. Attention. Ils sont très dangereux, frère. Parce que dès qu'il dit, il va te parler en arabe. Tu vois. C'était un chrétien. C'était un da'i de ouf. C'était un Marocain. Juif qui était à New York. Je lui dis, mais. Il me parle et tout, tu vois. Il fait que du salam sur le djinn. Tu vois. Après, je dis, bien, bien et tout. Une fois, il m'a pas passé salam. Je dis, mais t'es un musulman, toi. Il me dit, non, non. Il me dit, ouais, je suis un chrétien, juif, marocain, en New York. J'ai fait, oh là là, ça fait beaucoup, une personne. Ça fait un peu trop, là, tu vois. Après, je lui dis, rien, genre, je dis, Allah, qui, tu vois, je dis, madame, tu fais des scènes sur notre dîner. Je dis, j'espère qu'Allah, tu vas te guider, tu vois. Je dis, pourquoi tu es prêt? Je me suis dit, il est venu dans le salon pour, chercher la guider, qu'Allah, qu'Allah. Non, il dit, non, je suis venu pour te guider, toi. Je dis, sors quand, j'ai dit, écoute, le dîner de Nasara, tu peux y aller, hein. Ah, mais ce dîner-là, tu pourras pas me faire avaler, hein. Un hard de ce dîner-là, tu vois. Je dis, ce dîner-là, là. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.